J'enfile la bague de ma grand-mère. Je me dis que ça l'empêche de mourir. Les gamins de la primaire ont déjà vécu trois vies. Ces trucs qui empêchent de sourire. Gueule cassée, abîmée par le temps. Je monte sur scène, je suis coiffé par le vent. On me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie. Je tente. Je repense au mini moi droit comme un i sur la piste de danse de la boom. Je rappe pour ceux qui ont mis le Bluetooth sur l'allume-cigare qui grésille tout le long de la route. Trop de compliments et je rougis de la joue. Je fais rien, je baisse la tête quand je ressens de l'amour. Quand je sais plus quoi faire, je vais chez ma mère, je ferme ma gueule, j'ouvre le frigo et je mange de la soupe. Cœur en bordel comme le fond de la soute. Nos pères courbés dans le sens de la voûte. Viens, j'ouvre ma gueule, je prends un salaire. Et dans ma tête, c'est un sale merdier. Elle est belle dans son Chanel. Et elle est belle dans son Kalenji. Je viens, je baisse tout, c'est mon challenge. Ferme les yeux. J'ai plus 12 coupes, je suis avec Cendrillon, je mange le Bluetooth. Après la course poursuite, je prends la chambre 106. On sera des amants dans un bain de mousse. Je fête mes noces de perles avec mon ombre. Je peux ouvrir la porte avec mon nom. Je fais des très gros trous dans mon plafond, il me stresse. J'allume ma voisine, c'est le plafond, il me stresse. Je veux de l'orange et du savon, un ciné dans le salon, un sourire sans que j'allonge. Je fais le zombie dans le subway. J'ai besoin d'un secret, je vis 100 nuits par semaine. Je signe mon contrat, je craque, je vais à Liverpool. Je vais acheter une parka, je passerai un hiver cool. C'est deux fois moins fort, après le je t'aime, j'abuse. C'est pas parce que tu pleures que c'est la littérature. Je veux être boxeur, je veux un œdème. C'est New York, c'est Noël. Prenons rendez-vous dans un parking. Je prends mon fusil à pompe et mon Parkinson. C'est tout gris, c'est mon poème. Je dors à l'hôtel cette nuit, j'attends que la marque sonne. Je zig, je zague, je suis rien qu'une machine morte. Je reprends un verre avant que les souris sortent. Ferme les yeux, juste imagine une couleur qui existe pas dans ce monde. C'est ce que je me répète à chaque temps sombre. C'est ce que je me répète à chaque chanson. Elle est moins belle, la victoire sans les doutes. Elles sont mieux, les trajectoires loin des routes. S'il faut que je te montre, on prend rendez-vous. Ferme les yeux, juste imagine les...